sombre convoi vogue. Qui peut nous arrêter, jeune affamé et rarement sobre, ouais. Mais qu'est-ce que la vie sans l'ivresse? Le style et la finesse, le cœur léger, la cause est noble. Fais le tour de la zone comme du globe, de la fête à la guerre, du berceau à la morgue. L'escadron roule de 100 à 10, de 10 à moins, on s'est juré qu'on ne ferait qu'un. On s'est juré qu'on ne ferait qu'un jusqu'à la fin. On court tous derrière ce cache, mon frère, mais derrière ça le diable se cache. Je parle de vie dans mes textes parce que c'est l'ennemi qu'on a en commun. T'as dit qu'on était des frères, pourquoi tu ignores que je tends la main? C'est l'autre qui avait raison, je vois le ciel à l'horizon. On rentre dans la soirée, frère, et l'atmosphère change dans la maison. Même souci, les mêmes saisons, pour être efficace, je fais le nécessaire. Jeune qui fait le dramaturge, je suis né le même jour que mes Césaires. Yeah, tu te souviens de nous, qui sommes depuis qu'on est né? Je te parle comme si j'étais l'aîné. La concurrence, c'est le meilleur. J'ai pas d'amour pour ceux qui juste qui parlent. Trop de serpents comme au Népal. Quand tu nous cherches, on est pas là. Tu te souviens de nous, qui sommes depuis qu'on est né. Je te parle comme si j'étais l'aîné. La concurrence, c'est le néant. Moi, j'ai pas d'amour pour ceux qui juste qui parlent. Trop de serpents comme au Népal. Quand tu nous cherches, on est pas là. Les gars prennent la cocaïne, pas de cocaïne. Les brocolis, c'est mes vitamines. Nouveau diamant sur mes deux canines. T'es pas le sang, moi, j'ai qu'une famille. Juste une seule vie, j'm'habille chez Joe, ça fait chez Fanny. C'est le sas, le dit, on te fesse. On te calme, on te brise, on te pète. On se casse, on tire, on fête. Ça brasse, ça brise, ça break. On se calme, on vit, on flex. Les hops sont petits complexes. Baby dans petit complexe. On sexe, on s'aime, on se perd. Lady, faut que tu remues ce bassin, je tout mon taille. Elle baisse son legging, j'crois que c'est mon linge taille. Elle me dit que j'suis comme Nino, elle sait que j'suis frostbite. Ooh, baby. Baby, faut que tu danses. Baby, j'aime trop quand ça mouille. Là, je veux partir loin de la France. Je peux checker mes dépenses. J'ai qu'à attendre des choses. Elle me dit, I love you, some money. Je lui dis, à plus, je vois mes goons. Danse, baby, faut que tu danses. Baby, j'aime trop quand ça mouille. Là, je veux partir loin de la France. Je peux checker mes dépenses. J'ai qu'à attendre des choses. Elle me dit, I love you, some money. Je lui dis, à plus, je vois mes goons. Mec, celui que c'est bon, mais on braquait devant des mères. Savoir ce que je fais dans la vie, là, je me démerde. J'ai jamais fait ça pour la gloire, j'étais à terre. Toi, ta cagoule, t'es ça que pour ta face de merde. Tout pour le bang, tout pour mon baisse, baby, bi la coke, depuis la peste. On a des cris qui peut contester, c'est qu'il est trop du cul qui voulait tester. Tout pour le bang, tout pour mon baisse, baby, bi la coke, depuis la peste. On a des cris qui peut contester, c'est qu'il est trop du cul qui voulait tester. Tu voulais de l'amour? Mais y'a que de la haine ici. Nous, on a dégloqué des liasses et quelques bouteilles de Hennessy. Critiquer mais tous ces haines suivent. J'ai beaucoup d'ennemis donc je suis calibré comme dans le Tennessee. Hey, hey. Look, NC, NC. Sous ou baisse, BSO. Tout sous Hennessy XO. Hey, look, NC, NC. Sous ou baisse, BSO. Déjà debout à 6O. Hey, genre toi t'as shooter big, flag. Hey, sans traquer, j'te reste sans aucun mic, mac. Yeah, no time for say hojo. war. J'dors pas de la night, je war. Feeling anybody, le war. Il m'attrape, tu aimes comme avec une car. Money man, j'le suis on a daily. Triple up, bitch, me dis pas, mais il fait so hot, c'est une vague de hit. J'suis high school et je walk le hit, je war. Yeah, yeah, yeah, je war. Let's go, let's go. Je war, yeah, yeah. Je vois, let's go, let's go, yeah. Walk, walk, yeah. Walk, walk. Je vois, yeah. Je vois, yeah. Yeah. Je vois, yeah. Je vois, yeah. Facette, la bitch, elle walk. Sur le pole dance, elle fait son walk. Je money dance, remonte au score. Je fuck sa friend et puis je ghost. Ma news crane arrive par la poste. Mes slime work ne quittent pas leur poste. Charles la scuna pour le host. Quand le honey work, il fait le must. Step back, c'était broke, bitch. Pour nous, les fans sont des moches, yeah. Scamming après, je stack, bitch. Mon seul plan, c'est de make it rich. Dans mes rêves, j'ai fait make it rich. Yeah. Double cup pour relieve my pain. Yeah, all day, je change pas de lane. Elle est lame, donc faut qu'elle work son slime. Akan aku berikan bukti. Terus berusaha dengan doa yang takkan henti. Walau jatuh berkali, tapi terus ku yakini. Biarlah semua ini menjadi saksi. Lewati realita kehidupan yang ada. Betapa ku inginkan sebuah mimpi untuk masa depanku nanti. Yes, yes, you. Untuk masa depan yang selalu ku cari. Dan selalu ku cari. Keep it slowly, keep it chill. Still got blessing for you. Never gonna stop on my way. Sit my way, sit my way. Keep it slowly, keep it chill. Still got blessing for you. Never gonna stop on my way. Sit my way, sit my way. Yo, yo. Hey, mentari menyapa, masih dengan senyum yang tetap ceria. Ini saatnya beranjak dari dunia fana. Lewat rimana dan singkatkan aku bercerita tentang apa yang aku rasakan. Lalu coba dengarkan, lalu coba dengarkan cerita lama yang pernah lama aku pendam. Cacian dan makian yang takkan buatku tenggelam. Menyelam tak. Elle goûte, juste une fois c'est trop. Baby, prends position. Pas de doute, c'est un travail de pro. Et à prendre sa mission. Y'a touch, mais on a vu trop. Et j'ai croqué l'âme son. Âme d'âme pour un bête là, c'est trop. Pourquoi j'ai pas dit non? Non, non, non, non, non, non, non, non. Fallait dire non. Ça la coco sous la pute. Ça vend dans ma cité, ça la fait blasser pour si peu. Ça pique grave de chibé, ça la coco sous la pute. Ça la tu veux me quitter, sous whisky j'oublie mes idées. Ça pique grave de chibé, ça la coco sous la pute. Ça vend dans ma cité, ça la fait blasser pour si peu. Ça pique grave de chibé, ça la coco sous la pute. Ça la tu veux me quitter, sous whisky j'oublie mes idées. Ça perd les pompettes comme d'un série casa de chibombe à fondre. Satan est pompon forme, ton bar est en danger, pas chez monde. Il fait même dépendre. Beaucoup plata plata pour la bombe. Hakim la grosse, quand tu fais m'attendre. Sauf être la grosse avec gros Apollo. Gamin décalé, skirip, s'il veut t'étaler. Chéri qui s'est carré, ça vend la bête depuis t'aller. Psyché une putale, 14 ça fait t'étaler. C'est la qui te fait planer, donc on t'en le wall toute l'année. Ça pique grave de chibé, ça la coco sous la pute. Ça vend dans ma cité, ça la fait de la c'est pour si peu. Ça pique grave de chibé, ça la coco sous la pute. Salope tu veux me quitter, sous whisky j'oublie mes idées. Ça pique grave de chibé, ça la coco sous la pute. Ça vend dans ma cité, ça la fait de la c'est pour si peu. Ça pique grave de chibé, ça la coco sous la pute. Salope tu veux me quitter, sous whisky j'oublie mes idées. Mais les péchés aussi, c'est pas possible, je les rends docile. Je coupe le canon du grand fusil. Si c'est trop gros, j'ai un œuf aussi. Je te hagale et je baisse ta meuf aussi. Ce que t'en penses, c'est pas mon souci. J'arnaque, j'arrache, je vends. Quand j'ai pas d'argent, je reste pas assis. Le calapin, je suis content, extinct tes couteaux, ils vont tout me donner. C'est des blabla, c'est des contours. Demande dans la zone, tout le monde les connaît. Achata, celui qui s'approche, il va se faire cogner. Préviens des passants, on va te. Prends ta veste, tes papiers, ton bonnet. Je pleure en deux, deux, je suis plus en DD. Si tu coupes ma trop, tu vas te faire sauter. 9 béquilles déboule, on est ravagé. 27 jours d'ITD, KERCH, KERCH. M'en faut que tu me valides, toi, je suis pas à page. Pourquoi tu veux savoir ce qu'il y a dans ma poche? Je vais te sortir la hache. On me donne le go, je baisse tout. Siggy, tu perds la vie, qui c'est le mec tout. Mon gote, moi, gâton, t'es gueule, t'es un mec doux. Si t'es pas avec nous, t'es contre nous. J'étais hack avec l'OPJ, carrément il en oublie que je suis coupable. Si je mets la main sur la hanche en reculant, c'est sûr que le coup part. T'es belle à quelle meuf tu pars, sale con, n'oublie pas que le 9B est tout bas. Je fais ça en vif avec je prends tout ce qu'il y a à prendre avant de t'y part. J'ai un sang, je suis à l'affût comme les sentinelles. Pour moi c'était qu'un jeu, avant que ça me parle d'affaires criminelles. K-E-R-C à chaque cas, ils savent qui je suis et ce que je fais. Je suis pas dans les trucs amoureux, en ce moment je veux juste casser de la femelle. Tu veux de nous, la main sur la bille, viens sur le terrain comme qui a mal drip. Et c'est sur ma beat, qu'est-ce que tu ferais pas pour des likes ou des clips? Pour des likes ou des clips, on ramène la saleté partout dans le clip. On se mélange pas trop comme les creeps. Africain, j'ai trop de drip. La main sur la beat, viens sur le terrain comme Kylian dans les drip. Et c'est sur ma beat, qu'est-ce que tu ferais pas pour des likes ou des clips? Pour des likes ou des clips, on ramène la saleté partout dans le clip. On se mélange pas trop comme les creeps. Dadouel. Bénéfice bête, que du bif dans ma tête suspect. Bra, y'a plus au moyen, on va pas suspect. Les moyens du bain, dirait Evidero. Dans téléphone sauf il y a pas unité où. Je m'appelle Churu, t'as pas unité où. Dans téléphone sauf il y a pas unité où. Je m'appelle Churu, t'as pas unité où. Ok, t'as que tu vas, les bras, quoi c'est dit, t'es ok. T'as quoi de tu vois, belle, y'a mon frère à côté. Pour l'instant, force, c'est Dieu qui pousse. Mon caisse, vert, yes, c'est qui bif. T'as rien à me dire, moi, boy. Je m'appelle les boy. Oh, week-end est pas encore fini, moi, c'est lundi matin, moi, boy. Quand y'a tous les bœufs, c'est ma tête, dans le stress. Quand t'as fait de pas au marché, que tu stresses. Moi, ici qui depuis matin, moi ici rien, y'a rien, elle fait depuis matin, moi ici rien. Mais la petite me dit, elle veut dire des tresses, j'ai des tresses, ça veut dire des traces, moi mes traces, moi ma caisse, décasser ma caisse quoi, il craque, décasser ma caisse quoi, il craque. Pas l'ombre d'un doute, faut que je me calme sur la bœuf, trop de fumée dans la bouche. Je préfère rester solo, je préfère rester dans mon blues. Je vais plus tomber du rhum, charrette sur mes shoes. Je vais tomber les verts, les marrons, les bleus et les rouges. Je vais tomber mes rappeurs préférés quand j'étais gamin. Je veux que mes gamins soient riches, même si je déteste tous ces fils de bourges. Regarde aujourd'hui, avant on était au moins 12. Les aclics, tous les gauches dansent et mes ennemis collent. Je vais être un exotique qui sent bon et puis je décolle. J'ai du love, mon stream a donné assez grosse folle. C'est fini, c'est nous les nouveaux princes, les Ozzy Osbourne. 9500 km plus tard, pas la même qualité dans le pochetard. Maintenant tu veux link up mais c'est trop tard. Maintenant tu veux link up mais c'est trop tard. Maintenant tu veux link up mais c'est trop tard. Maintenant tu veux link up mais c'est trop tard. Maintenant tu veux. J'ai vu mon cas s'empirer. Et c'est pas ces cons qui m'ont inspiré. Sur un devant lui, je sais qu'il va pas tirer. Et c'est plus comme avant, c'est elle qui s'abonne. Et dans la vie, elle a bonne et la bonne. Réfléchis un peu, tu vas comprendre. Sors pas du lycée, elle n'équipe qui t'attend. Sors pas du lycée, elle n'équipe qui t'attend. Je veux pas rapper longtemps, dans mes sons y'a pas de thème. J'ai des trucs véridiques, mais j'avoue que c'est complexe. Mais j'avoue que c'est complexe, c'est devenir comme Johnny, je l'ai déjà à l'idée. J'attends pas Franck pour être validé. Elle croit que j'ai percé, je suis toujours à l'école. Ils rappent comme des cons, du coup faut que je m'y colle. Raconte pas ta vie, nous en vrai on s'en cogne. Nous en vrai on s'en cogne, je parle pas trop, j'en dis peu, je suis pas trop dissipé, d'ici peu. Je serai dans les têtes d'affiche, ce que j'ai fait, je suis pas allé le crier aux portes, peu m'importe, y'a sur place, mais si tu veux tu emportes. Y'a du monde qui me regarde, faut bien que je me comporte. Un flow unique à personne, tu me compares. Un flow unique à personne, tu me compares. Écoute les paroles, il faut pas que t'en rates une. NALP, il raconte pas de la merde. NALP, il écrit pas de la merde. Et DRLP, c'est que le prochain freestyle. Arrête de me faire chier, je sors quand j'ai envie. À force d'écrire, je prends du vocabulaire, mais le peura. Je le fais sur un bras comme Jamel. Depuis les vues, ça partage comme jamais. Que ça pète ou pas, je ferai pas l'ancien comme Kamel. Je fais des freestyles, je sais même pas où ça mène, je sais pas. Je manie toutes les figures de style, mais jamais j'utilise l'hyperbole. Des fois, j'y vais fort, faut que je me calme. Je me tape des barres comme quand je regarde la canne. Sale bâtard. La vérité sort que quand t'es sous ivraie. Je raconte pas de la merde, tout le monde sait que je dis vrai. Pour moi, d'un moutard, je sais même pas si j'y vais. Tout le monde part dans ma tête, je sais même plus si j'y vrai. Je suis pas trop bavard, je dis beaucoup dans mes sous. J'aime pas trop la chèvre, j'aime pas trop comment ça. Si tu me suces un peu trop, tu vois trop dans mon sens. C'est bizarre, ils sont censés écrire, moi j'y crois. Life, enlève ton masque, vite. Flip, flap, petite chemise au max. Tu veux me baiser dans le corps, bim, fini ta life. Stressé, t'as pas les codes, tu cours après ma maille. Je vois que le rainbow fly dans le sun. Je vois que le rainbow fly dans le ciel. Je vois que le rainbow fly dans le sun. Je vois je vois que le rainbow, je fly dans le ciel. Téléphone, mon avion, occupé, place à fond. Je m'écarte, loin des chemettes, trop de hate, on se connaît up. Je vois que le rainbow, je fly dans le seum. Je vois que le rainbow, je fly. Je ferme la selle, puis penalty. Je suis dans l'excès, j'en ai plus rien à. Et si tu décides d'être mon ennemi, j'envoie ton corps dans les déchets. Je suis d'accord, on est à cause. Il faut les gangs, c'est dense. Chou! Dance floor, mets la hype dans dance floor. Y'a 360, fusion. Maestro gravité. Maestro kick à l'ombre. Rentre dans le game, t'es vaisseau. Vaisseau. Il a pièce, soit son ego. Lui demande tous ses défauts. Son ego, lui dit zéro. Elle veut qu'on sorte, elle veut qu'on aille à Monaco. Elle veut qu'on se pavane, j'ai pris la Tesla, j'suis sur la côte. J'aime pas les porcs, j'suis un vrai négro, j'suis un vrai go. J'aime pas les porcs, j'le redis deux fois, fuck la popo. Que tu design mon pote, chez Rock Christian genre, chez les porcs du Pandore. Que tu design mon pote, chez Rock Christian Dior, chez les porcs du Pandore. Sexy et raffiné, je passerai la prendre par la cheminée. A checker poisson loco m'a fait. Après le choquer, je me sors capuché. Meilleur rookie, meilleur but dans la saison. J'ai pris mon cash, mais je rentre pas à la maison. Faites-moi au studio avec manager. Sur ses fesses, j'ai mis du Pradada. Elle veut qu'on fasse les vitrines, faire les boutiques toute sa vie. Je rêve depuis tout petit, depuis que Saga a perdu la vie. Et moi, je veille que sur mon équipe. On soulève la coque comme au Brésil. Santa Barbara ou Mexico. Mon fournisseur vient d'Amérique. Super Bellies, Bellies Girl. Super Bellies, Bellies Girl. La plus fraîche de tout le secteur. La plus fraîche de tout le secteur. Elle shoot ta mère en moins d'une heure. Elle shoot ta mère en moins d'une heure. Elle me ramène ça en moins d'une heure. Girl, il veut fuck devant Empire. Elle veut qu'on sorte, elle veut qu'on aille à Monaco. À Monaco. Elle veut qu'on se pavane, j'ai pris la Tesla, j'suis sur la côte. J'aime pas les porcs, j'suis un vrai négro, j'suis un vrai go. J'aime pas les porcs, je redis deux fois, fuck la popo. Que du design mon pote, chez Rock Christian Dior, chez les porcs du Pandore. Que du design mon pote, chez Rock Christian Dior, chez Rock du Pandore. Chez Rock Christian Dior, NSI, ou je continue au NSI, ou je continue au NSI, ou je continue au NSI. Est-ce que je me roule un autre Niax? Est-ce que je me roule un autre Niax? Est-ce que je me roule un autre Niax? Est-ce que je me roule un autre Niax? Où je continue au NSI, où je continue au NSI, où je continue au NSI. Là je suis dans un océan, j'essaye de faire jouir une baleine. Je lui déplace tous les membres, elle m'appelle l'ostéopathe. Elle sait que je pull up à patte, bientôt je la ken en my pack. Est-ce que je me roule un autre Niax avant que la bombe splash? Est-ce que je me roule un autre Niax? Est-ce que je me roule un autre Niax? Est-ce que je me roule un autre Niax? Est-ce que je me roule un autre Niax? Je continue au NSI. Je continue au NSI. Je continue au NSI. Est-ce que je me roule un autre Niax? Est-ce que je me roule un autre Niax? Est-ce que je me roule un autre Niax? Est-ce que je me roule un autre Niax? Je continue au NSI. Je continue au NSI. Je continue au NSI. Je continue au NSI. Arrête de chercher ta chérie. Elle est avec nous sous Emmy. Avant qu'à mon rêve je lui passe. À la zone mais y'a de l'eau donc je bois. Et j'ai les skills donc écrasé je dois. Tu veux pas danser faut rester chez toi. Je suis en big puff pour me protéger du froid. Quand cette année je suis grave sorti de chez moi. J'ai une application pour contrôler ma mouse. La tête est passée t'es down. Si t'es pas prêt pour la mêlée c'est down. Yeah, oh les mains. C'est un hold top baby, oh les mains. Yeah, oh les mains. Big whip des cas sans les freins. Yeah, oh les mains. J'suis dans l'écran j'fais des va-et-vient. Yeah, on les mains. Brand new switch dans le sac à main. Yeah, là y'a au moins 10 packs. J'ai zip les infos quand je suis dans le mag. J'ai fait rentrer la console dans le sac. Et j'ai pas trop confiance car je sais que tu capes. Pas de demi-tour, c'est une one-way track. Yeah, chut, bizarre, hein, ils veulent pas me tenir un départ. Je suis debout jusque très tard. Les larmes aux yeux quand je démarre. De nouveaux jeux, ça fait de nouveaux packs. Je ressens les basses quand je les écoute en flag. Signé un contre, c'est signé en pack. Ça fait go, let's go quand j'arrive sur le chat. Je regarde plus trop la map, ouais, j'avoue. Si je croise un jaloux, je le vois comme du bisop. Yeah, la TD passe et t'es down. Si t'es pas prêt pour la mêlée, c'est down. Yeah. Je roule que en CR, je peux pas trahir Honda. J'en perds une, j'en prends 10, c'est ce qu'on dit. Le copilote, toujours libre en conduit. Fume doucement, frappe de fou. Va toucher ton corps. Silencé dans la hache, j'ai pas de bille. J'ouvre le feu au feu vert de mon bois. J'ai tatoué un map tout sur mon bras. Et j'ai laissé la chaîne dans la brûle. Silencé dans la hache, j'ai pas de bille. J'ouvre le feu au feu vert de mon bois. J'ai tatoué un map tout sur mon bras. Et j'ai laissé la chaîne dans la boue. J'embraye la bécane sur le dos d'âne. Le commissaire veut me péter, je vois qui se la donne. Un verre, deux, trois verres dans le sang. Le tableau de bord m'avertit que je slalom. Je m'arrête pas pour toi, mais je te salame. Parce qu'en connaissance, y'a tout le monde qui s'allume. J'évite de parler de mes plats, va des têtes trop m'écras. Sinon, y'a tout qui s'annule. Je parle pas avec les gens qui parlent. Je dois t'ahlem, c'est serré, faire une balle. AK-47 roulé dans un torchon. Il faut juste enlever la crosse en bois. Et silencieux dans la hache, j'ai pas de bruit. J'ouvre le feu au feu vert de mon bout. Je t'allume avec le fer au bout du bois. Faut rien laisser comme un zéro débris. Je suis dans le club et je turn up. Je suis dans la boîte et je turn up. Bouteille de champagne et je turn up. Je turn up, je turn up. Je suis dans le club et je turn up. Dans Pérignon et je turn up. À moitié chandon et je turn up. Je turn up, je turn up. Je turn up, je turn up. Je suis dans la boîte et je turn up. Je turn up, je turn up. Je turn up, je turn up. Elle veut voir Hennessy, elle veut Jean Poupon. Elle vous fait si tu fallis, il poupa. Elle vous efface du fali, il poupa. Fali, poupa, fali, poupa. Elle vous efface du fali, il poupa. Fali, poupa, fali, poupa. Fali, poupa. Envoie le bel aérien, envoie le shampoo pour le gars qu'elle dit c'est son mari, c'est mon toutou. Tu n'es pas fait rassurer tout doux. Il gâte mon nom parce qu'il peut pas me goûter. En période de guerre, je me le calmer. Et que le banque qui peut me calmer. Comptabilité dans le calepin. Liasse de billets, on dirait un bouquin. S'il y a beaucoup de pieds à se faire, quel est le plan, je suis dedans. Tellement la misère, les paquets sont musclés, on a trop serré les dents. Pour un aller direction le succès, j'ai le visage et mon passeport. Finiront par venir nous sucer car l'argent met tout le monde d'accord. Bien élevé mais je suis impoli. Tes mains comme un lago est joli. Ça va turn up de Paris jusqu'à Babi. Je veux la Benzo, la Ice et plus la Roli. Je suis dans le club et je turn up. Je suis dans la boîte et je turn up. Bouteille de champagne et je turn up. C'est turn up, c'est turn up. Je suis dans le club et je turn up. Dans le Pérignon et je turn up. Au White et Chandon et je turn up. C'est turn up. Dans la couva, hier c'était toi dans la caisse. Comment tu peux me parler de lover si tu demandes le prix de ma veste? On boule pas 4 dans la couva. Hier c'était toi dans la caisse. Comment tu peux me parler de lover? Tu finiras pas à la messe. Oh, oh, oh, oh, oh. Faut des lots pour ma peine. Faut des lots pour ma peine. Faut des lots pour la maison. Oh, oh, oh, oh. Faut des lots pour ma peine. Faut des lots pour ma peine. Faut des lots pour la maison. Faut des louvres pour ma peine, faut des virgules, des zéros sur ma paye. Faut que ça chiffre à mort tous les jours de la semaine. J'ai la recette du jour calée sous la semaine. Faut des louvres pour la peine, faut des louvres pour la ken. J'ai plus de souvenirs de la veille. Sous Rapta, sous Jack Daniel. On a fait la moule, on n'a pas fait de jeu. On connaît la finesse, on va faire léger. J'fais le tour de Panama, peu aimé chez Théma. L'équipe d'anciens gros, y'a que des nœuds jeux. On n'a pas fait d'erreur, moi j'dois fédérer. Des fois j'fais des rêves où j'ai la vie de fédérer. Tu veux savoir si vraiment moi j'ai fait les ronds. On connaît les recoins dans le check, j'fais les ronds. On boule au patate dans la gouva. Hier c'était toi dans la caisse. Comment tu peux me parler de lover si tu demandes le prix de ma veste? On boule au patate dans la gouva. Hier c'était toi dans la caisse. Comment tu peux parler de lover? Tu finiras pas à la messe. T'es mal les balafres, on fait ça toute la nuit. Fais le bif en un tour de passe-passe. Tu fais la malade, tu fais le gym. Et c'est nous que t'appelles pour les cascades. Tu craques ta A1, ça passe pas. J'escarade quand j'suis devant l'impasse. J'dois faire couler le plasma. Tous les jours asthma, que t'es couplé. Aïe aïe comme hélico. Pas de délicatesse, m'en bats les couilles, j'filme la médicale. Médicale, même devant les tubes. Y'a pas le temps, j't'achète, fuck classique. Y'a des plans pour v'là'le cash, t'es moi, tout est macabre. Chacal, on fait pas cap, alors bla bla. C'est nous les stockman, bah. J'ai pas de bleu, car c'est moi le bleu que m'appelle. On a les mains, le sale. J'suis pas le one punch man, boy. Dans le studio, pousse tellement la basse que ça fait pousser des fleurs, ma boy. Nouveaux problèmes attendent, j'les entends toquer devant ma porte. T'inquiète, on se capte à l'heure. Mais toi-même, tu sais, j'suis grave fraudeur. J'suis toujours le seul, mais j'me cache comme un porte bonheur. Mais gros, c'est des charbonneurs. Toi, là, c'est pour qu'elle nous porte l'aide. T'as une vie de putain, tout ma vie, j'fais ce qu'elle a marine. Euro, dollar, j'en ai pas assez. J'rappe, des rappeurs, j'les ai effacés. J'écoute leur son, j'me croirais dans le passé. J'ai nagé, mais c'est pas dans l'eau qu'on veut brasser. Qu'on veut brasser. C'est toujours la fin. lui c'est toujours la same bitch. Un guy hype mais il check les clips. Venez pas trop jouer les mecs, c'est dit. Négro ne crois pas qu'il y a que toi qui a une équipe. On apparaît comme les clips. Extend the flow comme si j'étais un creep. Te rends barjo comme si t'étais sous tuile. Parle-moi au car il faut ce fric. Nous appelle pas, t'auras même pas ton fils. Prada au pied, est-ce que t'as capté le drip? Tu veux le feed, est-ce que t'as mis le prix? Tu parles beaucoup, tu vas connaître le rip. J'en joue au top, je fais pas un effort. Je rentre dans un Porsche et je fais ce qu'il est port. Je fais ce qu'il est port. Tu capes des sextants, guise de ta gada. Vise de place à la, reviens de Malaga. J'suis dans le jean, grave pas dans la mala. Rats dans le jean, j'me sens un peu plus malin. Je mets son coup, elle veut 2-3 câlins. J'suis malin comme Tyrion, mais j'suis même malin. Fils de putain, tu vaut le prix d'un sopalin. Si à la montée au négro, j'suis pas là. J'ai les vaillants, toi t'es un fala. J'ai fait ça le tarot sur la S, le Zotla. J'en fais un JBT, un bon plat. Toujours à la fusée, à bon plan, pote. On a du marron, tout blanc, j'suis dans la Clio, le voyant clignote. La taille est vide, donc on en qui une autre. Mando roof life, on rappe pas pour la cause. Ça peut te fourguer de la coque sur les plages de la côte. J'suis pas le pilote, soir. J'évite les gyrophares. Mon siège a fessé dans une rue de la cité. Ça m'annonce qu'on vient de niquer un schmitt au star. Ratus dealer. Combien bouffons font les dealers? On se rejoint au café du coin. Pas très loin du halte et dealer. Au du dealer. Combien bouffons font les dealers? On se rejoint au café du coin. Pas très loin du H de dealer. Toujours la Bentley sur Bentley M, j'connais des suceurs, on a peut-être les mêmes. Route de campagne, j'ai mis la distance, j'pop le champagne comme Lewis Hamilton. J'peux plus me voir tous ces rappeurs, dans ce studio un triceratops. J'ai jamais fait de tri sélectif, tu vois la mort quand on passe les rapports. Sale pillage quand tu t'entêtes, moi j'arrête de plaisanter. J'connais tous ces FTP, normal j'les ai représentés. Ça sera dur de vivre en paix, sous un ciel de brigandé. C'est pimenté, on arrive ganté, ville de gratter, elle nous regarde. On n'est pas comme eux et on a ce qu'ils ont. Brave, voyou, vaillant, courageux, sauf collège, pas de queue. Je serai jamais comme eux. Laisse-les manger les œufs. On fait rentrer ouais, des heures. J'étais dans le trou, je me suis repris comme Jenner. Dans la cahier, même quand tu cailles, on a mangé des pierres, on a vendu des cailloux. Mes frères ont mangé du fer. On va faire parler le fer. Je vais faire, je vais réussir. Je sais pas comment faire. Oui. Hey, hold on, baby. Tout va, baby. All of my niggas for real that shit. C'est combien le prix j'achète? Le 19, le 19. Oui. 19, my G. C'est fallant. Run it up. All of we go. J'écoute le beat, s'habille en blues. Je danse comme un Griffs. J'ai pas dormi dans la noche. J'suis dans le vaisseau pour visser les bolos. Calibré, faut que tu payes tes dettes. J'suis en Philippe Blanc avec mon corps de squelette. Je le fais pour ma vie, si tu fais le con, on t'enlève la vie. Les idées se mordent, la vie n'est pas rose. Essaye de nous rendre qu'en cause. Je suis pas pistonné, j'casse mon pistolet. J'adoucis leur nez. Oui, j'vise la disparaît. On vise la lucarne, j'abonne pour la maille. J'ai pris ma liga, investi dans les cailles. J'ai trop l'argent, ouais, pour garder mon fric. J'ai vu les profiteurs sur ce genre de piste. On a des guitares, tu connais la musique. D'un coup de t'inquiète, on repère le fric. Le 19, le 19, 11. Coco Chou, j'ai pas sous. Allez, fais chaud. Ça tu meurs. Ça tu meurs. Oh là, oui. Attention. Y'a de là. Oui. Mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.